Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, grosse île, porte d'entrée de l'immigration au pays pendant un siècle. Les familles étaient divisées, et puis le monde meurait, et puis les familles perdaient leurs enfants aussi. Puis les enfants perdaient leurs parents. On dit que ça monte quoi, à 12, qu'il y avait peut-être 12 000 personnes enterrées ici. Témoin de vagues successives d'immigration au 19e siècle ou au début du 20e siècle, Grosse-Île servira de station de quarantaine de 1832 à 1937. Située sur le fleuve Saint-Laurent, tout près de l'île d'Orléans et de Québec, Grosse-Île sera l'une des plus importantes portes d'entrée de l'immigration du pays, mais aussi du continent tout entier. L'histoire de Grosse-Île sera enfin étroitement liée à celle des immigrants irlandais fuyant la grande famine du milieu du 19e siècle. Les bateaux étaient obligés d'arrêter dans le fleuve ici. Et puis le monde se débarquait dans des petits bateaux pour se rendre à les grèves, aux grèves. Et puis là, les médecins conduisaient une inspection de santé. Et puis le monde en bonne santé allait retourner au bateau et les autres restaient à l'île pour aller dans les hôpitaux. Au commencement, soit dans 1832 ou en 47, au commencement de la saison d'immigration, c'était assez facile parce que dans une journée, peut-être il y avait une centaine, mais en 47, il y avait 2000 par jour qui arrivaient. Alors les hôpitaux étaient trop petits et puis le monde meurait en 32 de la choléra, en 47 de la typhus et puis... C'était toute une espèce de tristesse ici. Et puis, l'historienne Mariana O'Gallagher, elle nous décrit l'arrivée des immigrants à Grosse-Île au 19e siècle en évoquant ces deux vagues d'immigration particulièrement meurtrières, celle de 1832 et celle de 1847. Pour nous raconter l'histoire de Grosse-Île, l'archéologue et gestionnaire des ressources culturelles à Parc Canada, Robert Gauvin. Monsieur Gauvin, dans nos studios de Québec. Monsieur Gauvin, bonsoir. Bonsoir. M. Gauvin, l'historienne Mariana O'Gallagher parle dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce petit extrait de cet épisode du choléra en 1832, qui va être particulièrement sévère. C'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on crée une station de quarantaine à Grosse-Île. Tout à fait. Le choléra asiatique qui apparaît vers 1826 en Asie se déplace tranquillement vers l'Europe. Et en 1831, on sait que ça va s'en venir en Amérique et au Canada. Donc, on décide à ce moment-là de créer la station de quarantaine de Grosse-Île qui va être ouverte l'année suivante. Pour ceux qui connaissent le film « Le hussard sur le toit », ça raconte en fait cette épidémie-là en 1832 en France. Donc, grosse épidémie avec évidemment des gens qui fuient l'immigration. Et ici, donc chez nous, on voit cette immigration arriver et on crée cette station de quarantaine. Pourquoi on choisit Grosse-Île? Pourquoi cette île-là précisément, M. Gauvin? Premièrement, c'est une île, donc c'était fermé. C'était sur le chemin pour se rendre à Québec. Il y a une autre île qui a été envisagée également, mais finalement, la topographie, la façon dont c'était organisé à Grosse-Île, c'était plus facile. Alors, le développement s'est fait sur le littoral sud de l'île, face à Montmagny, et c'était à l'endroit où passaient les bateaux qui se rendaient à Québec. C'était le chenal du sud qui, à ce moment-là, était utilisé pour la navigation. Et l'idée, évidemment, c'est d'avoir une station de quarantaine qui soit à proximité de ce port, le port de Québec, qui va accueillir, là, qui va être une grande porte d'entrée de l'immigration à la fin du 19e pour le début du 20e siècle. Tout à fait. Pendant une centaine d'années, du début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, environ 4,5 millions de personnes vont immigrer, vont passer par Québec dans le cadre des mouvances depuis l'Europe jusqu'en Amérique. Bon, au tout début, comment ça se passe, l'arrivée des immigrants? Je sais que ça va évoluer au fil du temps, puis on pourra y revenir, mais au début de la station, là, comment ça se passe, l'arrivée des immigrants? Madame O'Gallagher le précisait tout à l'heure. Donc, au départ, les bateaux arrivaient, s'ancraient devant la Grosse-Île et des petites chaloupes transportaient les immigrants jusqu'au rivage, à un endroit précis qu'on connaît, qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est appelé dans la documentation de Natural Gully. C'est une espèce d'échancrure dans le roc. Et il y avait des pontons qui étaient aménagés là. Donc, les gens arrivaient, débarquaient sur l'île. Il faudra attendre 1847 avant que le quai comme tel soit construit. Il y aura, parce que 1847, ça va être important, il y aura une très, très, très grosse vague. Madame O'Gallagher y faisait référence. Puis après cette année 1847, il y aura effectivement des rénovations, un début de modernisation de l'île. Parlons du voyage, parce que ces maladies qui se développent, particulièrement en 32, en 1832 et en 1847, ces maladies-là, le choléra en 1832, le typhus en 47, se développent déjà durant le voyage. On écoute sur ces conditions de voyage Jeannette Weckmann-Masson dans un extrait d'entrevue diffusé à Femmes d'aujourd'hui en 1982. Dans ce temps-là, ça voyageait en petit bateau, bateau à voile, à fond de cale. Pas d'hygiène, aucune, là. Figurez-vous ce que ça peut être. Entassé, pas d'air, pas d'eau à boire, manqué de provisions. Des belles traversées, quand ça se faisait dans un mois, c'était un temps record. Deux mois, des fois davantage, empilé, là. C'est arrivé des bateaux devant l'île, là, et quand elle était pleine de cadavres. Il y a récemment le capitaine et un jeune enfant sur le pont. Ils ont débarqué à l'île puis ils sont morts pas longtemps après. C'était terrible. Ils étaient déjà appauvris puis affamés, malades de famine. Il n'y avait pas les moyens de prendre des beaux bateaux de luxueux. Il n'y en avait pas dans le temps. Alors, Robert Gauvin, on le voit bien, c'est très, très difficile. Les conditions de traversée sont effroyables. Comment ça se passe, en fait, ces traversées de l'Atlantique avec des gens qui sont déjà malades ou qui développent la maladie à bord? Ben, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà contaminées au départ. Alors, quand on reste, on parlait d'une trentaine de jours de traversée si ça se passait bien, mais c'était souvent en moyenne 45 jours, puis ça peut même aller jusqu'à 60 jours. Alors, on imagine sur des bateaux en bois, des voiliers, deux mois en mer, un mois, deux mois en mer. Et là, évidemment, les gens sont prêts un de l'autre. Les personnes qui sont malades en contaminent d'autres. Donc, c'est vraiment pas facile, là. Les gens sont empilés, en fait, littéralement, l'un sur l'autre. On s'en sert comme pour qu'il y ait du poids dans le navire, là. C'est vraiment... C'est très, très impacté. Oui, il y a plusieurs de ces navires-là qui ont plus de 400 personnes qui voyagent. Donc, effectivement, puis quand il y en a une quinzaine qui arrivent à peu près en même temps à la grosse île, ça fait beaucoup de monde. Donc, on a des témoignages de ces problématiques-là, si on veut, suite à une enquête qui a eu lieu en 1847. Et effectivement, quand on parle d'hygiène sur le bateau, c'était le minimum. Et donc, ça contribuait, si on veut, à propager la maladie. Bon, la vague de 1847, elle est très, très importante. C'est la grande famine du milieu du 19e siècle en Irlande. Et 1847, c'est une grosse, grosse année. 100 000 immigrants au port de Québec. Beaucoup de ces immigrants, donc, devront s'arrêter à Grosse-Île. Au tout début de l'émission, l'historienne Mariana O'Gallagher nous en parlait un peu, mais on ne fournira plus, là. Ça va être très, très, très difficile. Effectivement. Si on reprend, on parle d'une centaine de milliers d'immigrants qui passent par le port de Québec. Là-dessus, théoriquement, ils arrêtent tous à Grosse-Île, mais on va inspecter les navires. Si les gens ne sont pas malades, le navire va pouvoir continuer. S'il y a des personnes qui sont malades, on va les arrêter. Maintenant, quand on parle de 100 000 immigrants à Québec, là, la population de la ville à l'époque est de moins de 30 000 personnes. Donc, c'est un peu comme si Montréal, en une année, puis on dit une année, là, c'est d'avril à octobre, recevait 9 millions d'immigrants. Alors, un comparatif, là. Et à Grosse-Île, c'est parfois dans la période de pointe de l'été, parce que c'est l'été que ça se passe, ça veut dire quoi, 2 000 personnes par jour qui vont arriver à Grosse-Île. Il y a quoi, un hôpital à ce moment-là? En fait, oui, il y a un hôpital. On est débordé. Là, dès le mois de juin, on est débordé. On est obligé d'installer des tentes pour recevoir ces gens-là. L'hôpital, évidemment, est complet, si on veut dire, si on peut dire. Et ces tentes-là même ne suffiront pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander à Québec des bâtiments préfabriqués. On va construire des bâtiments à Québec. On va les amener à la Grosse-Île. On va les monter sur place. On va appeler ces bâtiments-là des lazarets. Par la suite, là, et c'était pour théoriquement loger les immigrants en santé, mais à un moment donné, les immigrants en santé et les immigrants malades là, sont mélangés. On n'arrive pas là, à prendre le dessus. Et c'est assez intéressant, c'est quand on a fait des fouilles archéologiques, par exemple, sous le lazaret qui reste, parce qu'il en demeure seulement un des 12 qui ont été construits, on a trouvé des piquettes de tentes en bois et des tendeurs. Alors, c'est des éléments assez incroyables. On ne s'attendait pas à trouver ça, là, du bois qui date du mois de juillet 1847, avant qu'on construise ces bâtiments-là. Il y aura, 5000 morts à peu près dans cette seule année de 1847 à Grosse-Île, tant et si bien qu'il y aura un mouvement d'adoption des jeunes orphelins irlandais par des familles québécoises francophones qui va prendre forme. On écoute à nouveau l'historienne Mariana O'Gallagher à ce sujet. L'été de 1847, 600 enfants ont été adoptés par des familles canadiennes. À l'autre côté de l'île, il y a Saint-François de Montmagny. On dit que le curé a pris un enfant le dimanche en chair et puis dit un petit Irlandais. Et puis il y en a beaucoup à Grosse-Île. Qui va les prendre? Et puis les grosses familles canadiennes, les dames ont dit, on va les prendre. Et puis, les enfants sont répandus ici, dans les villes, dans les villages, jusqu'en haut, Trois-Rivières. Il y a une lettre, même dans l'archevêché de Québec, où il y a une lettre d'un prêtre à Trois-Rivières qui dit qu'il y a presque concurrence entre les familles. Qui va avoir un orphelin irlandais? Cet extrait, Robert Gauvin, nous montre bien l'importance qu'aura Grosse-Île pour l'immigration irlandaise au Canada. Qu'est-ce que ça représente, Grosse-Île, encore aujourd'hui, pour les descendants d'Irlandais qui vivent au Canada? Bien, je dirais que le meilleur exemple, c'est lors des consultations publiques qui ont eu lieu au milieu des années 1990 sur la création du lieu historique national. Au départ, on ne parlait que du lieu historique national de la Grosse-Île. Et suite à des consultations auprès, justement, des communautés irlandaises, le nom officiel du lieu, c'est le lieu historique national de la Grosse-Île et le mémorial des Irlandais. Mm-hmm. Alors, c'est pour vous dire à quel point il tenait, la communauté irlandaise tenait à commémorer ou à que le nom de Grosse-Île fasse référence à la tragédie irlandaise. En 1909 également, l'ancien ordre des Hiberniens a construit une croix celtique sur la colline qui surplombe Grosse-Île, encore là pour commémorer la tragédie irlandaise. Et donc puis encore aujourd'hui, à chaque année, ils font un pèlerinage à la Grosse-Île. Donc vraiment, la communauté irlandaise est très attachée à cet endroit là qui témoigne là, d'une tragédie là, qui a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Et qui s'incarne beaucoup dans cette année de 1847. Ça va conduire à des ajustements importants en 1847, parce qu'on voit bien qu'on ne peut plus fournir à la demande à Grosse-Île quand il y a une vague comme celle de 1847 qui arrive. On va procéder à une modernisation des lieux. Sur le plan de l'hygiène, ça va beaucoup, dans les années qui vont suivre aussi, ça va beaucoup progresser. Louis Pasteur va faire ses découvertes. Puis je veux que vous me parliez, M. Gauvin, de cette figure importante dans la modernisation justement de Grosse-Île sur le plan de la santé publique, Frédéric Montizambert, qui est-il et que fera-t-il à Grosse-Île? Le docteur Montizambert a été le surintendant de l'île de 1869 à 1899. Et c'est une personne phare là, dans la protection, dans la sécurité pour la santé au Canada, dans le domaine de la santé publique. Et c'est lui qui a contribué à moderniser vraiment la Grosse-Île en installant, par exemple, de grandes étuves pour désinfecter les effets personnels des immigrants. Il y a tout le bâtiment de désinfection qu'on peut visiter à la Grosse-Île où on fait le parcours de l'immigrant du dépôt des bagages en passant par les douches et lorsqu'on reprend les bagages par après avec un certificat comme de quoi tout a été désinfecté. À partir des travaux de Pasteur et des autres microbiologistes de cette époque, là, on arrête de parler de la théorie des miasmes. Mm-hmm. Les miasmes, c'était une espèce de brouillard où on disait que les maladies se transmettaient uniquement par l'air. Et à partir de ce moment-là, on sait que ce sont des virus qui peuvent soit être dans l'eau, soit être transmis par des poux ou des choses comme ça. Puis ça va aider beaucoup à contenir la maladie dès qu'on la comprend, en fait. Ces installations, cette procédure plus moderne que va mettre en place le docteur Montizambert, Simone Delacquis en parle aussi. Elle l'a vécu comme jeune fillette à l'époque. Elle a 6 ans en 1911 quand sa famille passe à Grosse-Île. Ils arrivent de la Suisse. On l'écoute. sur le bateau qui nous ramenait au Canada. Ma sœur est tombée malade à l'horizon d'Iran. Elle a arrêté en quarantaine à Grosse-Île. Alors, c'est comme ça que nous avons arrêté à Grosse-Île. Puis nous avons été là, je crois, à peu près un mois. C'était en 1911. Quand on est arrivé, ils nous ont mis dans une grande baignoire, puis il y avait de la mousse. Et puis, quand nous sommes partis, bien là, on nous a donné une douche. C'était comme une grande pièce. Puis on aurait dit que l'eau venait de tous les côtés. On nous a donné ça juste avant de partir. On a désinfecté nos habits. Alors, c'est resté, vous savez, le souvenir de Grosse-Île, c'est resté quelque chose de spécial. Un moment spécial dans ma vie. À cette époque, décrit Mme Delacqui, 1911, c'est un peu l'âge d'or de Grosse-Île, Robert Gauvin. Cette station-là, elle est un peu une station modèle dans le monde là, quand on parle de poste de quarantaine. Effectivement, à partir de 1892 et les années qui suivent, là, justement à cause des travaux du docteur Montizambert, la Grosse-Île devient un endroit phare là, quand on parle de santé publique pour recevoir des immigrants. Maintenant, à cette même époque-là, c'est l'époque justement où on commence à mieux comprendre les maladies et les grandes épidémies, il n'y en a plus vraiment, mis à part la grippe espagnole qui va suivre la Première Guerre mondiale. Mais alors, au moment de l'âge d'or de la station, on commence déjà à voir le déclin dans l'immigration au port de Québec, entre autres, suite à l'ouverture aussi d'une station d'accueil d'immigrants à Halifax et au développement du chemin de fer. Alors, tous ces éléments-là vont contribuer au lent déclin de la Grosse-Île à partir du moment où elle est à son maximum au point de vue technologique, si on veut. Oui, parce qu'au maximum, au point de vue technologique, ça veut aussi dire qu'il y a une vie là, qui va décliner donc graduellement. La station sera fermée en 37, mais au pic, il y a quoi, 200? Il y a un village, il y a toute une vie sur l'île. Il y a quoi, 200 personnes à peu près qui vivent à Grosse-Île, des employés? Oui, au début, la station ferme l'hiver. Alors, les employés sortent. Mais à un moment donné, on demande de rester parce que c'est plus pratique pour eux. Alors là, on va construire, il va y avoir une chapelle catholique, il va y avoir un bureau de poste, une buanderie, des boulangeries. Alors, c'est vraiment un village, c'est une paroisse qui est créée sur la Grosse-Île. Et il y a une dynamique de village. Ça, on parle de 200 personnes à peu près. Ils ont l'électricité dès 1902, où on construit les premières, on installe les premières dynamos. Alors, souvent bien avant plusieurs villages ailleurs au Québec. Alors, c'était vraiment une communauté qui... il y a une école où les enfants vont avec l'institutrice. Donc, c'est vraiment là, un village complet qui est installé à la Grosse-Île. Le coup fatal, c'est 1937. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on se dit, c'est plus nécessaire, on peut fermer Grosse-Île? Il y a plusieurs facteurs. Comme je disais, l'amélioration du transport par train, donc les gens peuvent descendre à Halifax. Il y a aussi toute la question de santé publique, si on veut. À partir du 20e siècle, début du 20e siècle, on va être beaucoup plus prudent quand on va faire des examens à l'entrée des bateaux, en fait, dans les ports européens. Donc, les maladies diminuent. À un moment donné, c'est comme s'il n'y avait plus assez d'immigrants malades pour faire vivre Grosse-Île, si on veut. Puis en même temps, bien, à Québec, il y a un hôpital qui est dédié justement pour les maladies infectieuses qui ouvre ses portes en 1907, je crois. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui font qu'on diminue. Puis c'est un peu la même chose si on prend aux États-Unis, Ellis Island ferme à peu près à la même époque ou arrête de recevoir des masses d'immigrants à cette même époque-là. Donc, bon. le rôle change un peu. Oui, le rôle va devenir, en fait, juste avant, durant, en fait, la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au milieu des années 50, Grosse-Île va devenir un lieu de recherche sur les armes bactériologiques. Après ça, un peu plus tard, donc de 57 à 84, lieu de quarantaine, mais lieu de quarantaine pour les animaux. Il y a tout un mystère à ce moment-là. On ne va pas à Grosse-Île qui veut. Il y a tout un mystère qui entoure l'île. On écoute un reportage à ce sujet-là de Pierre Paquette. On est en 1964. Avec nos caméras, nous sommes sur la rive à quelques 5000 de l'île. Cette île, si près des côtes, est pourtant inaccessible. Où l'on fait, dit-on, des recherches en pathologie animale. Nous nous sommes demandé pourquoi on nous en refuse l'accès. Pourquoi les fils barbelés? Pourquoi l'interdiction même de survoler l'île? Une île qui relève du ministère de l'Agriculture. Eh bien, voilà des animaux qui sont bien logés et qui sont bien gardés. Toute l'activité qui règne sur cette île est insoupçonnée des riverains, des résidents de Montmagny, et même, semble-t-il, du député fédéral de la région. Île de la quarantaine, grosse île, on pourrait la surnommer l'île mystérieuse. Alors pourquoi tout ce mystère, Robert Gauvin, autour de Grosse-Île à cette époque-là? Ben, c'est certain que là, durant la Seconde Guerre mondiale et peu après, quand c'est le ministère de la Défense qui gère l'île, évidemment c'est un centre de recherche, donc on peut comprendre que c'était interdit. Puis on développe suite, vraiment des produits, là, armes bactériologiques, on va développer, semble-t-il, l'anthrax, entre autres, sur cette île-là. Ben, on travaille sur différents projets, mais entre autres la protection contre ces virus-là, ouais, aussi. C'est pas nécessairement de développer des armes, mais aussi de la protection. Maintenant, par après, quand c'est le ministère de l'Agriculture qui prend le relais, évidemment, bon, il y a un laboratoire de virologie. On veut s'assurer que les animaux qui rentrent au Canada sont en bonne santé, qui n'amènent pas de pathologie, justement. Alors, la raison pour laquelle c'était interdit, c'est tout simplement pour des questions de sécurité, ouais, pour éviter justement que les maladies se transmettent sur la terre ferme. Et Grosse-Île aujourd'hui, l'émission tire déjà à sa fin. C'est un lieu historique national. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, quand on arrive sur l'île, d'abord, on débarque au quai. Le départ se fait depuis Berthier-sur-Mer. On débarque et là, comme je disais, on peut faire le circuit de l'immigrant dans le bâtiment de désinfection. Alors, les visiteurs sont accueillis par Sarah Wade, qui est une infirmière. En fait, c'est de l'animation costumée où on fait l'examen des immigrants pour voir lesquels sont en santé, lesquels ne le sont pas. Puis là, après ça, on peut visiter l'ensemble du bâtiment. Et en second lieu, on peut visiter ce qu'on appelle le secteur ouest de l'île, qui était le secteur des immigrants en santé avec les différents hôtels première, deuxième, troisième classe. Et après ça, on peut visiter le reste de l'île, le secteur du centre du village et le secteur est, qui était le secteur des gens malades, des hôpitaux, si on veut. En fait, on peut se promener sur l'ensemble des installations de l'île. C'est vraiment un endroit qui est inspirant, où c'est le calme. Mais quand on s'en va dans le secteur, par exemple, du cimetière de l'Ouest, le cimetière des Irlandais, qu'on appelle aussi, avec le monument qui commémore les décès qu'il y a eu à Grosse-Île, tout le nom des personnes qui sont décédées et enterrées à la Grosse-Île sont inscrits. Mm-hmm. Alors, c'est assez touchant. C'est vraiment un endroit, là, porteur au point de vue de l'émotion. Merci beaucoup, Robert Gauvin, archéologue, gestionnaire des ressources culturelles à Parc Canada. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.